Y'a plus de naves que d'hommes braves. Les vies sont brèves, ici tu crèves, bêtement dans une grève. Les sujets tabous se fument comme des tabous. Tes parents sans tabou, ils sont tabous. En tout cas, on est mal barré. Y'en a beaucoup qui croient qu'on frappe mieux quand on est un mal bourré. Je m'attendais pas autant de merde, avoir autant de merde, d'y aller autant d'herbe. Autant dire qu'ils t'emmerdent, qu'ils font leur bise. Et pour que ça se passe mieux entre eux, ils se font la bise. Mais ils ne savent pas que c'est de la baisse, que là où ils sont, si ça boule, c'est parce que c'est de la braise. L'État nous monte les uns contre les autres, mais les cousins aux voisins, cousins, ils contrôlent la zone, je suis pas les cow-boys. L'État s'en sert comme cobaye, mais les pas ton cœur de copain, sans qu'on puisse leur dire bye bye. Ni de gauche, ni de droite, plutôt du que de milieu au milieu, qui m'aime humilier, 100 millions, ni quand même le milieu. Ouais, c'est urgence, à urgence, moment, les moments manquent, rêve de braquer des banques, de tout défoncer au tank, et tant que tu sortiras pas ta queue, tu l'auras dans le cul, tel que. Tu le vis, tu le joues, un peu le vent, tu le vois. Dans le visage, la rue ressemble à la mort, là tu le crois. Tu vois de quoi je parle, car tu le vis. Tu le joues, un peu le vent, tu le vois. La mort, le premier de s'écroule, mec, tu me crois. Tu vois de quoi je parle, car tu le vis. Tu le joues, un peu le vent, tu le vois. Dans le visage, la rue ressemble à la mort, là tu le crois. Tu vois de quoi je parle, car tu le vis. Tu le joues, un peu le vent, tu le vois. La mort, le premier de s'écroule, mec, tu me crois. Des visions, ouais, ça j'en ai quand je mate l'horizon. Mais le regard de ma mère suffit pour me ramener à la raison. Regarde la merde qu'il y a autour de toi, Renoir. La misère qu'à la même misère jusqu'à Saint-Benoît. Tes gosses traînent très tard ou bossent très tôt. Je dois me stabiliser, cette vie posée sur très tôt. Ils disent que c'est la crise, mais quand nos rêves se brisent, on fait du mieux pour conserver nos cellules grises. Viens t'en traîner dans Saint-Denis, visiter ses plus belles poubelles et ses traînées. Tout ça c'est moche, comme une petite qui fait la manche. Ou le travaux du coin castigue des manches, du lundi au dimanche. Fils, nourri par film X, finissent par ses vers, ses vices, sur fille ou fils. Haltérophilie, pédophilie, hétérophilie, zoophilie, problème indéfini et c'est pas fini. Alors on avance quand même, malgré l'étendue de haine, sujet à de nombreux problèmes. Tu me crois quand je te dis qu'on est pris pour moi. Ils aiment le fils fameux du diable qu'ils sont pris pour moi. C'est plus que de l'amour que j'ai pour le risquer. Dans ce texte je vise l'état même si c'est trop risqué. Et si pour eux nos vies ne valent pas un radis, faut faire de son mieux pour que s'ouvre à nous le paradis. Tu le vis, tu le vois.